Section 1 de Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Son Altesse Royale Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehan. Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Son Altesse Royale, Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry. Par François-René de Chateaubriand. Avertissement. Ces mémoires ont été composées sur les documents originaux les plus précieux. On le verra suffisamment par les pièces citées ou rapportées en entier dans l'ouvrage. Plusieurs personnes que nous n'avons pas l'honneur de connaître ont bien voulu aussi nous envoyer des renseignements dont nous nous empressons de les remercier. Quant aux ouvrages imprimés, nous avons fait usage de l'excellent recueil connu sous le nom de « Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Condé ». L'ouvrage de M. le marquis d'Ecquevilly. Campagne du corps sous les ordres de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Condé, nous a fourni une suite de dates et de faits exacts. Nous avons de plus consulté le Moniteur, les journaux et divers écrits qui ont paru en France, en Angleterre et en Allemagne. Enfin, nous avons lu avec attention tout ce que le zèle et le talent ont dernièrement publié sur la vie et la mort de Monseigneur le Duc de Berry. Ces mémoires serviront aux historiens qui voudront un jour écrire sur les affaires de notre temps. Et dès à présent, ils apprendront à ceux qui peuvent l'ignorer ce que faisaient les Bourbons à une époque où la Révolution cherchait à justifier ses crimes par des calomnies, pour faire ensuite de ces calomnies le prétexte de ses crimes. Première partie. Vie de Monseigneur le Duc de Berry, hors de France. Livre premier. Éducation et émigration du prince, sa vie militaire jusqu'à la retraite de l'armée de Condé en Pologne. Chapitre 1er. Exposition. Louis XIV emporta avec lui dans la tombe la splendeur de la monarchie. Le régent laissa perdre les mœurs. Prince brave et voluptueux qui ne permettait pas qu'on troublât ses plaisirs et qui du moins savait maintenir la paix à la longueur de son épée. Sous Louis XV, l'ordre naturel des choses se dérangea. La médiocrité passa dans les hommes d'État, la supériorité dans les hommes privés. Il n'y eut plus d'histoire de France au dehors. Elle se renferma toute dans le cabinet des ministres, le salon des maîtresses, la société des gens de lettres. Les vanités, principes des crimes parmi nous, s'exaltèrent. La mollesse de la vie contrastait avec l'âpreté des doctrines. La monarchie tournait à la République parce que la licence des mœurs amenait l'indépendance des opinions. La France fut enfin jetée par la Révolution dans un abîme où elle a vécu 30 ans. Elle eût été dévorée dans cette fosse aux lions si elle ne se fût cachée derrière la vertu de quelques justes, issus du sang des rois. Nous ne doutons point que nous n'ayons été rachetés par le mérite des enfants de Saint-Louis. Quand le sang des Bourbons a cessé de couler pour notre gloire, il a coulé pour notre salut. Un nouvel holocauste vient d'être offert. Les générations présentes, accoutumées au meurtre, se souviennent encore de l'assassinat de Henri IV. Mais par-delà le poignard de Ravaillac, elles ne connaissent plus rien. Veulent-elles néanmoins se faire une idée de la grandeur du dernier sacrifice? Veulent-elles apprendre tout ce qui a été immolé dans la personne de Monseigneur le Duc de Berry? Il faut qu'elles connaissent la race de ce prince. Chapitre 2. Des Bourbons. Saint-Louis eut 6 fils. L'aîné, Philippe le Hardi, lui succéda et sa postérité occupa le trône jusqu'à la mort d'Henri III. Le dernier des fils de Saint-Louis, Robert, comte de Clermont, épousa Béatrix de Bourgogne, fille unique de Jean de Bourgogne et d'Agnès de Bourbon. Celle-ci était l'héritière de la branche aînée des Sires de Bourbon, ancienne lignée dite des Archambault, d'où sortit par Guillaume de Dampierre la seconde maison des comtes de Flandre. Charles le Bel érigea en duché Péri le comté de Bourbon pour Louis Ier, comte de Clermont, fils aîné de Robert. Charles obligea Louis à quitter le nom de Clermont pour prendre celui de Bourbon, parce qu'il voulait réunir à la couronne la terre de Clermont où il était né. laquelle terre avait été donnée par Saint-Louis à son fils Robert. Philippe de Valois rendit le comté de Clermont aux descendants de Robert. Mais le nom de Bourbon resta à cette branche royale. Dans les lettres d'érection du duché de Bourbon par Charles le Bel, on lit ces paroles prophétiques. Le roi a érigé en duché Péri le comté de Bourbon en considération des richesses, des services et de la générosité des princes de cette maison. Comme ils sont du sang royal, il se tient honoré de leur élévation et il espère que ses successeurs seront soutenus par la grandeur de ses princes. Ainsi, Dieu, partageant les enfants de Robert le Fort dans la personne de Saint-Louis en deux familles, donna le sceptre à l'une et mit l'autre en réserve dans un rang moins élevé pour y conserver ses vertus qui s'usent quelquefois sur le trône. Sujets, avant d'être rois, les Bourbons moururent pour les Français avant que les Français mourussent pour eux. Pierre de Bourbon fut tué à la journée de Poitiers. Louis de Bourbon à celle d'Azincourt. François de Bourbon à celle de Sainte-Brigide. Antoine de Bourbon au siège de Rouen. Les femmes de cette famille donnèrent de grands monarques à la France, en attendant le règne de la lignée masculine. Marguerite de Bourbon, duchesse de Savoie, fut l'aïeule de François Ier. Lorsque les Bourbons, alliés à plus de 800 familles militaires, eurent reçu tout ce qu'il y avait d'héroïque dans le sang français, la Providence fit paraître Henri IV et les Condé. Chapitre 3. Grandeur de la maison de France. Quand il n'y aurait dans la France que cette maison de France, dont la majesté étonne, encore pourrions-nous, en fait de gloire, en remontrer à toutes les nations et porter un défi à l'histoire. Les Capets régnaient lorsque tous les autres souverains de l'Europe étaient encore sujets. Les vassaux de nos rois sont devenus rois. Les uns ont conquis l'Angleterre, les autres ont régné en Écosse. Ceux-ci ont chassé les Sarrasins de l'Espagne et de l'Italie. Ceux-là ont formé les États de Portugal, de Naples et de Sicile, la Navarre et la Castille, les trônes de Léon et d'Aragon, les royaumes d'Arménie, de Constantinople et de Jérusalem, ont été occupés par des princes du sang capétien. En 1380, plus de 15 branches composaient la maison de France, et 5 monarques de cette maison régnaient ensemble dans 6 monarchies diverses, sans compter un duc de Bretagne et un duc de Bourgogne. En tout, une seule famille a produit 114 souverains, 36 rois de France, depuis Eudes jusqu'à Louis XVIII, 22 rois de Portugal, 11 rois de Naples et de Sicile, 4 rois de toutes les Espagnes et des Indes, 3 rois de Hongrie, 3 empereurs de Constantinople, 3 rois de Navarre de la branche d'Évreux, et Antoine de la maison de Bourbon, 17 ducs de Bourgogne de la première et de la seconde maison, 12 ducs de Bretagne, 2 ducs de Lorraine et de Bar. Il faut se représenter dans cette nation, plutôt que dans cette famille de rois, une foule de grands hommes. Ces souverains nous ont transmis leurs noms avec des titres que la postérité a reconnus authentiques. Les uns sont appelés augustes, saints, pieux, grands, courtois, hardis, sages, victorieux, bien-aimés. Les autres, pères du peuple, pères des lettres. Comme il est écrit par Blâme, dit un vieil historien, que tous les bons rois seraient aisément pourtraits en un anneau, les mauvais rois de France y pourraient mieux, tant le nombre en est petit. Sous la famille royale, les ténèbres de la barbarie se dissipent, la langue se forme, les lettres et les arts produisent leurs chefs-d'œuvre, nos villes s'embellissent, nos monuments s'élèvent, nos chemins s'ouvrent, nos ports se creusent. Nos armées étonnent l'Europe et l'Asie, et nos flottes couvrent les deux mers. Ajoutez plus de 1000 ans d'antiquité à cette race. Eh bien, la Révolution a livré tout cela au couteau de Louvel. Chapitre 4. Naissance et enfance de Monseigneur le Duc de Berry. La France pleurera longtemps Monseigneur le Duc de Berry. Elle peut dire de lui ce que Plutarque dit de Philopémène par rapport à la Grèce. La Grèce l'aima singulièrement comme le dernier homme de vertu qu'elle eut porté dans sa vieillesse. Il naquit à Versailles le 24 janvier 1778. Il eut pour père Charles-Philippe de France, comte d'Artois, aujourd'hui monsieur, frère du roi, et pour mère Marie-Thérèse de Savoie. Son frère aîné, Louis-Antoine de France, duc d'Angoulême, était né à Versailles le 6 août 1775 et avait par conséquent 2 ans, 6 mois et 18 jours plus que lui. Monseigneur le duc de Berry eut pour gouvernante Madame la comtesse de Caumont. La première enfance du prince fut pénible. À l'âge de 5 ans et demi, il fut remis à la garde de Monsieur le duc de Serran, qui déjà exerçait la charge de gouverneur auprès de Monseigneur le duc d'Angoulême. Ce vieillard respectable se consolait encore, il y a quelques mois, d'avoir perdu ses 2 fils dans les guerres de Bretagne, en voyant prospérer les 2 autres fils qu'il avait élevés pour la France. Il ne se console plus aujourd'hui. Les princes allèrent s'établir pour leur éducation à Beauregard. C'était un château où l'on voyait un de ces grands bois de tout temps réservés en France pour l'ornement des maisons de campagne. Ce château et ses jardins existent encore, ainsi qu'une pièce d'eau à laquelle les enfants de France ont travaillé. Ce fut dans cette solitude, tout auprès des pompes de Versailles, qui devaient bientôt cesser, que M. le duc de Serran prépara sans le savoir, contre les rigueurs de l'infortune, ceux qu'il ne croyait avoir à défendre que des séductions de la prospérité. Les sous-gouverneurs des jeunes princes furent messieurs de Buffevent, de la Bourdonnaie et d'Arbouville. Ils eurent pour sous-précepteur l'abbé Marie, savant dans les mathématiques, et l'abbé Guéné, qui a su tourner contre Voltaire l'arme avec laquelle ce beau génie attaquait la religion. Les illustres élèves revenus en France n'ont point oublié leur précepteur. Après 25 années d'exil et la chute d'un empire, ils se sont souvenus, au milieu de tant de souvenirs, de l'homme de bien dont ils reçurent les leçons. Ces pieux disciples ont fait ériger à Fontainebleau, où l'abbé Guéné est mort, un monument à sa mémoire. Il était touchant de les voir soutenir d'une main le trône rétabli et de l'autre élever la tombe de leur humble maître. Chapitre 5. Traits de l'enfance du prince. Les 2 frères montraient des inclinations différentes. Monseigneur le duc d'Angoulême avait un penchant décidé pour les sciences, Monseigneur le duc de Berry pour les arts. Celui-ci offrait comme un mélange de l'esprit des Bourbons et des Valois. Par sa mère et par ses aïeuls, il tenait quelque chose du génie de l'Italie. On raconte 1000 traits ingénieux de son enfance. Il était fougueux comme l'élève de Fénelon, mais plein de saillies d'esprit et d'effusion de cœur. S'il fut enfant plaisant de visage et assez couloré, s'y était avenant, joyeux en tous ses enfantibles faits. On lut un jour au petit prince quelques scènes du Misanthrope. Le lendemain, un des maîtres composa une fable. La morale de cette fable était que Monseigneur le duc de Berry n'apprenait rien et ne se souvenait point de ses lectures. Le maître, ayant fini, demanda à son Altesse royale ce qu'elle pensait de ce morceau. L'enfant repartit brusquement « Franchement, il est bon à mettre au cabinet ». Un monsieur Rochon, maître d'écriture des jeunes princes, avait éprouvé une perte considérable, causée par un incendie. Monseigneur le duc de Berry pria son gouverneur de lui donner 25 louis pour le pauvre Rochon. Monsieur le duc de Serran y consentit, mais à condition que le prince satisferait son maître pendant 15 jours, sans lui parler des 25 louis. Voilà Monseigneur à l'ouvrage, il trace de grandes lettres le moins de travers possible. Rochon s'émerveille à ce changement subit et ne cesse d'applaudir à son élève. Les 15 jours se passent, Monseigneur le duc de Berry reçoit les 25 louis et les porte triomphant à Rochon. Celui-ci, ne sachant si le gouverneur consentait à cette générosité, refuse de recevoir l'argent. L'enfant insiste, le maître se défend. L'impatience saisit le jeune prince qui s'écrie, en jetant les 25 louis sur la table, « Prenez-les, ils m'ont coûté assez cher. C'est pour cela que j'écris si bien depuis 15 jours. » Chapitre 6. Émigration de Monseigneur le duc d'Angoulême et de Monseigneur le duc de Berry. Le temps du malheur approchait. Monseigneur le duc d'Angoulême et Monseigneur le duc de Berry ne devaient pas même jouir du repos de l'enfance. Leur éducation commençait à peine que déjà la monarchie finissait. On leur enseignait à être roi, et l'adversité allait leur apprendre à devenir homme. Les têtes des premières victimes avaient été promenées dans Paris. La Bastille était tombée, la famille royale, menacée, fut obligée de se retirer. Le roi même lui en donna l'ordre. Monseigneur le comte d'Artois partit pour les Pays-Bas et laissa à M. le duc de Sérén le soin de lui amener ses deux fils. Le péril était grand. Il fallait traverser le royaume, sans escorte, au milieu des insurrections. Chargé de la fortune et de l'espoir de la France, M. de Sérén cacha son projet au jeune prince. Il leur dit qu'il allait les mener voir en garnison un régiment d'hussards qu'ils avaient aperçu sur le chemin et dont ils ne cessaient de lui parler. Les enfants montent, avec joie, la nuit, dans une chaise de poste qu'on avait préparée secrètement. Ils croyaient aller à une fête, et ils quittaient leur patrie. Monsieur le duc de Sérén ne dut son salut et celui de ses élèves qu'à la rapidité de sa course. À peine avait-il quitté Péronne qu'une sédition éclata dans cette ville. Lorsqu'il fut prêt à passer la frontière, il apprit au prince, toujours enchanté du voyage, le but réel de ce voyage et la proscription dont ils étaient l'objet. Ils jetèrent alors autour d'eux un regard attendri et étonné. Monsieur le duc de Berry dit vivement à son gouverneur « Nous reviendrons. Malheureux prince, vous êtes revenu. » Octobre 1789. Des Pays-Bas, Monsieur le duc de Sérén conduisit ses élèves à Turin, où ils furent reçus par leur oncle, le roi de Sardaigne, qui, avec son auguste famille, ne cessa de montrer le plus généreux attachement à la maison de France. Chapitre 7. Monseigneur le duc de Berry à Turin. Monseigneur le duc de Berry amusait toute la cour par ses reparties et sa vivacité. On retrouvait en lui, à cette époque, quelques-unes des singularités des divers personnages que l'on avait vus briller à Turin, depuis ce compagnon du comte de Gramont qui croyait que les Allobroges étaient venus dans le Piémont à l'époque où messieurs de Guise avaient introduit les lansquenets en France, jusqu'à ces Vendômes, braves, spirituels, insouciants, qui, négligeant tout dans la vie, ne soignaient que leur victoire. Monseigneur le duc d'Angoulême et Monseigneur le duc de Berry étudièrent un excellent plan d'éducation militaire tracé par Monsieur le duc de Sérén. Ce plan formé pour la France fut, par un changement devenu nécessaire, rendu applicable à un terrain étranger. On se servit des marches de Charles VIII, de Louis XII, de François Ier et des campagnes de ce Catinat, héros à la Marseille, solitaire à Saint-Gratien, indifférent aux honneurs parce qu'il les méritait tous. Il y avait à Turin une bonne école d'artillerie. Monseigneur le duc d'Angoulême et Monseigneur le duc de Berry en suivirent les exercices. Ils passèrent par tous les grades, depuis le rang de simple canonnier jusqu'à celui de capitaine. Ils chargeaient, pointaient et tiraient leurs pièces avec rapidité et précision. Ils fondirent deux canons sur lesquels leurs noms furent gravés. Un de ces canons tomba entre les mains des Français lors de l'invasion du Piémont. On le voyait encore il y a quelque temps dans un de nos dépôts d'artillerie, singulier monument de nos conquêtes et des jeux de la fortune. Cependant, les troubles de la Révolution croissant commençaient à menacer les États voisins. L'Europe se disposait à la guerre. Ce fut alors que Monseigneur le duc de Berry écrivit cette lettre à son père. C'est le premier cri de l'honneur dans le cœur d'un Français et d'un Bourbon. Turin, 15 août 1791. Avec quel plaisir nous avons appris la lettre du régiment de Berwick et votre réponse, ainsi que celle de monsieur. Ah, que ne suis-je près de vous ! Je voudrais bien voir ces bons soldats et me battre avec eux. Je leur dirai, comme notre Henri, « Camarades, si dans la chaleur du combat vous perdez vos drapeaux, ralliez-vous à mon panache blanc qui ne sera jamais qu'au chemin de l'honneur. » Cette pensée m'a fait bouillir le sang dans les veines. Marchons, mon cher papa, pour rendre la liberté à notre malheureux roi. 32 officiers du régiment de Vexin sont arrivés à Nice, remplis de zèle et de courage. Je ne manque pas non plus, et suis prêt à me bien battre. Chapitre 8. Départ de Monseigneur le duc d'Angoulême et de Monseigneur le duc de Berry pour l'armée des princes. Août 1792. L'Assemblée nationale déclara la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Les deux princes, partis de Turin, vinrent rejoindre Monseigneur le comte d'Artois pour faire sous les ordres de monsieur et sous ceux de leur auguste père cette campagne qui devait tout finir et qui commença tout. Beaucoup d'émigrés n'avaient rien apporté avec eux. Quelques-uns déployaient les dernières marques de la fortune. Les différents corps d'officiers de l'armée faisaient le service de soldats. La marine était à cheval. Les gentilshommes, formés en compagnie, se distinguaient par le nom de leur province. On était gai parce qu'on était sous la tente, qu'on allait puiser l'eau, couper le bois, préparer les vivres, et qu'on entendait le son de la trompette. La pauvre noblesse remplissait son devoir sans y penser, tout simplement comme on respire et comme on vit. Elle ne regrettait point ce qu'elle avait perdu. D'ailleurs, elle le croyait bientôt retrouvé. Elle espérait revoir, à la fin de l'automne, son magnifique héritage. La bruyère, le grand bois, le vieux colombier, que d'aventures à compter, que de desseins pour le jour du retour. Dans tous les temps, les Français ont été les mêmes. Peuple essentiellement guerrier, les camps où il retrouve ses vertus lui ont toujours fait oublier ses misères, soit qu'il ait eu pour étendard la chape de Saint-Martin ou la cornette blanche, soit qu'il ait commencé la charge au refrain de la chanson de Roland ou au cri de « Vive le roi !» Monseigneur le duc de Berry eut le plaisir d'aller au premier feu devant Thionville. Les compagnies bretonnes, se trouvant parmi les plus avancées vers la place, il leur disait « Je voudrais être breton pour voir de plus près l'ennemi. » C'est une dure nécessité pour l'homme de s'habituer à la vue du sang. Et, ce qu'il y a de plus malheureux, plusieurs vertus dépendent de la force d'âme qui fait le guerrier. Chapitre 9. Retraite de Champagne. Le prince achève son éducation militaire et va rejoindre l'armée de Condé. Après la retraite de Champagne, le changement des événements, les jalousies politiques, les différents intérêts des divers cabinets retinrent les princes oisifs jusqu'en 1794. Pendant ce temps-là, la monarchie disparut et Louis XVI, en montant au ciel, laissa le drapeau de cette monarchie au prince de Condé. Monseigneur le duc de Berry brûlait de se ranger sous cette bannière, mais il fallait attendre l'ordre des rois afin qu'un fils de France pût tirer l'épée. Monseigneur le duc d'Angoulême et Monseigneur le duc de Berry, retirés au château de Ham, profitèrent de ce repos pour perfectionner leur éducation militaire. Ils devinrent d'excellents cavaliers en suivant le conseil d'un grand homme de l'Antiquité, qui veut que le maître de la cavalerie commence ses revues par de pieux sacrifices. Rien n'était agréable comme de voir Monseigneur le duc de Berry, si jeune encore, manier avec adresse des chevaux fougueux. Créatures de Dieu si nobles par elles-mêmes qu'elles ont donné leur nom aux classes de la société humaine, les plus distinguées, les plus braves et les plus généreuses. Dans le cours de l'année 1794, Monseigneur le duc d'Angoulême alla rejoindre, avec son père, Monseigneur le comte d'Artois, les corps d'émigrés français qui combattaient dans la Flandre autrichienne et dans la Hollande. Monseigneur le duc de Berry, à peine âgé de 16 ans, obtint la permission de se rendre à l'armée de Condé. Dans son transport, il écrivit sur le champ au prince sous les yeux duquel il allait combattre. Ham, 27 juin 1794. Monsieur mon cousin, je ne puis vous exprimer la joie que j'ai éprouvée lorsque mon père m'a annoncé que j'allais servir sous vos ordres. J'ai une grande impatience de vous voir, ainsi que tous les braves gentilshommes que vous commandez. Je suis gentilhomme, comme eux, c'est un titre dont je m'honore, et j'espère que vous trouverez en moi la même soumission et surtout le même zèle. Un mois après, il avait rejoint l'armée. Il arriva le 28 juillet à Rastad, accompagné du comte Damas Cru et du chevalier de Lajar. Le prince de Condé, en le recevant et le serrant dans ses bras, lui dit « Je crains bien, monseigneur, que nous ne vous amusions pas autant cette campagne que nous aurions pu le faire l'année dernière, mais ce n'est pas ma faute. Ces amusements d'un Condé convenaient parfaitement à un fils de France. » Chapitre 10. Armée de Condé. À la fin de la monarchie, les gentilshommes français redevinrent ce qu'ils avaient été au commencement de cette monarchie, et tels que les anciennes ordonnances de nos rois nous les représentent, nobles hommes à pied, armés d'une tunique, d'une gambière et d'un bassinet. Ils rajeunirent leur noblesse dans ses sources, c'est-à-dire dans les combats. Tout soldat français a ses lettres de noblesse écrites sur sa cartouche. L'armée de Condé, souvent contrainte de se replier avec les grandes armées dont elle subissait les fautes, ne fut jamais défaite. Hors de la portée du canon, elle marchait sans discipline. Généraux, officiers, soldats, tous égaux, n'obéissaient presque plus. Au feu, elle serrait ses rangs et s'alignait sous le boulet ennemi. Pendant 9 campagnes, elle n'eut pas une nuit de sommeil. 100 000 guerriers dormaient en paix derrière elle. Qu'avaient-ils à craindre ? 3 Condés étaient à leurs avant-postes. Lorsque Monseigneur le duc de Berry rejoignit l'armée de Condé, elle était à sa troisième campagne. Elle avait emporté, avec les Autrichiens, les lignes de Weissenburg, et, dans la brillante affaire de Bernstein, elle avait empêché les Républicains de percer la ligne des Alliés. Ce fut dans ce combat que les trois Condés, renouvelant l'aventure de la bataille de Seneff, déployèrent une valeur héroïque. Le vieux Condé, dans le village même de Bernstein, 2 décembre 1793, qu'il reprit à la tête des gentilshommes à pied, le duc de Bourbon, en avant du village, dans une charge de cavalerie, où il fut grièvement blessé d'un coup de sabre au poignet, le duc d'Enghien, dans une autre charge de cavalerie, par laquelle il s'empara d'une pièce de canon, après avoir eu ses habits percés de balles et de coups de baïonnette, « Vous êtes à l'âge, et vous portez le nom du vainqueur de Rocroy », lui écrivait à cette occasion monsieur, régent du royaume. « Son sang coule dans vos veines. Vous avez devant les yeux l'exemple d'un père et d'un grand-père au-dessus de tous les éloges. Que de motifs d'espérer que vous serez un jour la gloire et l'appui de l'État. Quand on songe ce qu'on a fait de cette gloire et de cet appui de l'État, ces belles paroles fendent le cœur. Le jeune d'Enghien devint le frère d'armes du jeune Berry. Ces princes se sentaient unis par une même destinée. Saül et Jonatas, si aimables durant leur vie, plus prompts que les aigles et plus courageux que les lions, sont demeurés inséparables dans leur mort même. Monseigneur le duc de Berry se trouvait à une grande école. Amis et ennemis lui offraient également des exemples. C'étaient partout des Français. Les uns défendaient le roi, les autres la France. Dans les deux camps était la gloire, également attirée par l'éclat des succès et par la noblesse des revers. Chapitre 11. Monseigneur le duc de Berry à l'armée de Condé. Le lendemain de l'arrivée du fils de France, le prince de Condé tint un conseil secret. Il recommanda à monsieur le baron de La Rochefoucauld, maréchal général des logis, de veiller à la sûreté de Monseigneur le duc de Berry. « Mais prenez garde qu'il s'en aperçoive, » ajouta-t-il, « car il s'en fâcherait. C'est de la surveillance à la manière des héros. » Les balles sont plus faciles à conjurer que les poignards. Monseigneur le prince de Condé remercia son Altesse royale, Monseigneur le comte d'Artois, de la marque de confiance qu'il avait bien voulu lui donner en lui envoyant son fils. Août 1794. Lettre du prince de Condé à son Altesse royale, Monseigneur le comte d'Artois. Il l'assurait qu'il prendrait le plus vif intérêt au succès certain du jeune prince, doué par le ciel des plus heureuses dispositions. Monseigneur le duc de Berry servit d'abord comme volontaire. Monseigneur le prince de Condé lui présenta les officiers les plus distingués de l'armée et ceux qui avaient été blessés dans les campagnes précédentes. Le jeune prince se fit remarquer par son amour pour la discipline et par son empressement à se soumettre aux règlements militaires. Il ne se plaignait jamais que des usages étrangers à la France. Lettre à Monsieur le comte d'Hautefort. « Il faut, s'écriait-il, aller prendre les grosses bottes et tout l'attirail d'un Prussien, moi qui suis français autant que possible. » Il étudiait les nouveaux et les anciens champs de bataille. Il visita Philippsbourg, où périt le maréchal de Brunswick, et le champ de Salzbach, où tomba Turenne. Il voulait assister aux moindres affaires. Lorsqu'on lui présentait qu'il se ferait blesser, « Tant mieux, disait-il, cela fait honneur à une famille. » Il écrivait à une femme, « La guerre va recommencer, nous en serons, nous autres, princes. Il faut espérer, pour l'honneur du corps, que quelqu'un de nous s'y fera tuer. » Un billet de la même année montre la gaieté guerrière du prince. Il est adressé au jeune vicomte César de Chastellux. Rastatt, 10 août 1794. Votre aimable lettre m'a fait un grand plaisir, mon cher César. Je suis charmé du désir que vous me montrez d'imiter votre prédécesseur et d'entrer dans les Gaules. Vous y trouveriez des Vercingétorix, des Dumnorix, en grande quantité. Mais je ne doute point que votre courage et la cause que vous soutiendriez ne vous les fissent vaincre aisément. J'espère que sous peu d'années, vous pourrez vous montrer digne de votre prédécesseur et de vos respectables parents. Chapitre 12. Suite du précédent. Bravoure du prince, sa réparation envers un officier. 1795, 1796, 1797. Monseigneur le duc de Berry passa par tous les grades militaires et prit, le 23 juillet 1796, le commandement de la cavalerie, en remplacement de Mgr le duc d'Enghien, qui prit celui de l'avant-garde. Placé entre l'ancienne gloire et la nouvelle gloire de la France, le duc d'Enghien était toujours le premier homme que rencontrait l'ennemi. Dans les campagnes de 1795, 1796 et 1797, Mgr le duc de Berry se trouva présent à tous les combats. À l'affaire de Stenstadt, qui dura toute la journée, l'avant-garde de l'armée de Condé fut chargée de l'attaque du village. Mgr le duc de Berry échappe aux officiers qui l'entouraient, entre dans le village avec les premiers hussards qu'il rencontre, le traverse au milieu d'un feu terrible, s'y maintient plusieurs heures sous une pluie de bombes et de boulets et revient tout couvert de sang et de la cervelle d'un brave officier du génie nommé Dumoulin, tué auprès de lui par un obus. À la tête de pont du Ningue, Mgr le duc de Berry visitait les ouvrages. Il s'était arrêté sur le revers de la tranchée avec quelques officiers. Ce groupe attira le feu de deux pièces de canon placées de l'autre côté du Rhin. Les boulets portèrent et couvrirent de terre le jeune prince qui ne fut sauvé que par le gabion même renversé sur lui. À Kamlar, à Munich, à Schussenried, Mgr le duc de Berry combattit encore. Il étudia les mouvements du général Moreau dans sa belle retraite, prenant des leçons de cet habile ennemi. Il sollicita de l'archiduc Charles la faveur de suivre le siège de Kehl. Le chevalier de Franclieu, aide-de-camp de Mgr le duc de Bourbon, fut tué dans les ouvrages à ses côtés. À Offenbourg, il allait journellement à la tranchée, et comme il le dit lui-même dans une de ses lettres, « Lettre à M. le comte d'Hautefort », il entendit siffler force boulets, obus et mitrailles. L'exactitude que Mgr le duc de Berry mettait dans ses devoirs militaires, il la voulait trouver dans les autres. Sa vivacité l'emportait quelquefois. Il avait blessé par des paroles sévères à la parade un officier général. Celui-ci fit une réponse hardie que ses camarades essayèrent en vain de couvrir de leur voix. Le prince l'entendit et cacha son émotion. Il laissa partir la colonne, fit ensuite appeler l'officier, l'emmena dans un bois avec des témoins et lui dit « Monsieur, je crains de vous avoir offensé. Ici, je ne suis point un prince. Je suis un gentilhomme français, comme vous. Me voici prêt à vous donner toutes les satisfactions que vous exigerez. » Et il met l'épée à la main. L'officier tombe à genoux et baise cette noble main qui voulait non faire une blessure, mais penser celle de l'honneur. C'est Henri IV et Schomberg. Chapitre 13. Louis XVIII est proclamé à l'armée de Condé. L'armée de Condé offrait l'image d'un camp des premiers francs. C'était toute une patrie. On y trouvait des princes logés sur des chariots, des magistrats à cheval, des missionnaires enseignant l'évangile et distribuant la justice. En même temps que l'on se battait, on s'occupait des affaires domestiques et de celles de la religion et de l'État. Tantôt, après un assaut ou une poursuite, on relevait une croix que les républicains avaient abattue. Tantôt, on versait des larmes au récit de quelques gentilshommes soldats qui étaient parvenus à voir l'orpheline du temple. On s'inquiétait des destinées futures de l'armée. Que deviendrait-elle? Que ferait-elle? Le prince Charles l'avait louée dans un ordre du jour. On était ravis. Tous les maux étaient oubliés. Les corps étaient prêts à se dissoudre faute des premières nécessités militaires. On était consterné. Tout à coup, M. le duc de Richelieu arrivait avec un peu d'or, et le loyal petit-fils du brave maréchal faisait renaître l'espérance. Sous la tente, au bivouac, autour du feu des grands gardes, on redisait des aventures étranges, on racontait des histoires de son enfance, de sa famille, de son pays, et, oubliant les injustices de la France, on admirait les victoires même des Français. Le 14 juin, 1795, on apprit au cantonnement de Stenstad la mort de Louis XVII. Le 16 au matin, l'armée prit les armes. Un autel fut dressé à la lisière d'un taillis. Un aumônier y célébra la messe. Après le service divin, Mgr le prince de Condé, accompagné de messeigneurs les ducs de Berry, de Bourbon et d'Enghien, se tourna vers l'armée et dit « Messieurs, Mgr le duc de Berry m'ordonne de prendre la parole. À peine les tombeaux de Louis XVI, de la reine et de leur auguste sœur se sont-ils fermés que nous les voyons se rouvrir pour réunir à ces illustres victimes l'objet le plus intéressant de notre amour, de nos espérances et de nos regrets. Après avoir invoqué le Dieu des miséricordes pour le roi que nous perdons, prions le Dieu des armées de prolonger les jours du roi qu'il nous donne. Le roi Louis XVII est mort, vive le roi Louis XVIII. Le canon répondit au cri de l'héritier du grand Condé. Monseigneur le duc de Berry éleva un drapeau blanc et sur ce pavois du nouveau champ de Mars proclama le premier le monarque qui devait lui fermer les yeux. Chapitre 14. Le roi à l'armée de Condé. Ce monarque était attendu à l'armée. Il y vint en effet, n'ayant plus d'asile, comme il le dit lui-même dans son ordre du jour, or celui de l'honneur. Son arrivée excita une grande joie. À la sollicitation de Monseigneur le duc de Berry, tous les militaires retenus en prison ou aux arrêts pour quelque faute furent mis en liberté. On étala pour l'entrée du roi dans son nouveau Louvre toutes les pompes de l'armée. On fit tirer le canon, battre les tambours et sonner les trompettes. On n'avait pas d'autre musique. On rangea en bataille des soldats à peine vêtus, le visage noirci par la fumée de la poudre, par le soleil et les frimas. On déploya des drapeaux blancs déchirés, percés de boulets, criblés de balles, et semblables à cette oriflamme usée par la gloire que l'on voyait dans le trésor de Saint-Denis. Le monarque banni voulut se montrer à son autre armée, à l'armée républicaine qui bordait la rive gauche du Rhin. Il alla aux gardes avancées, des paroles furent échangées entre lui et les postes français. Cette périlleuse conversation, établie par le roi avec ses sujets égarés, remplit les républicains d'admiration et d'étonnement. Malheureusement, la joie causée par la présence du roi fut de courte durée. La grande ombre de la vieille monarchie effrayait les ministres des puissances. Charlemagne, avec sa casaque de peau de loutre, et Louis XIV, avec son manteau royal, leur apparaissaient. Un roi de France, proscrit à la tête de quelques exilés, leur semblait menacer le monde. La politique crut revoir un maître et le força de se retirer. Circonspection inutile. Le génie et le temps ont placé le pouvoir dans cette famille de France. Sans trône, elle serait encore souveraine et n'a besoin que de son nom pour régner. Toutefois, Louis XVIII demeura assez de temps à l'armée de Condé pour montrer l'intrépidité naturelle à nos monarques. Un assassin, car les Bourbons n'ont plus à combattre que des assassins, tira au roi par une fenêtre de Dillingen un coup de carabine. La balle effleura le haut de la tête. Le roi, portant la main au front, se contenta de dire « une demi-ligne plus bas » et le roi de France s'appelait Charles X. Pendant le séjour du roi à l'armée de Condé, il assista au service que cette armée fit célébrer à la mémoire de Charette. Placé entre Monseigneur le duc de Berry et Monseigneur le prince de Condé, il adressa lui-même ce discours aux troupes réunies. « Messieurs, nous venons de rendre les derniers devoirs à celui que vous avez admiré, peut-être même envié, jusque sur le champ de bataille de Bernstein, à celui qui tant de fois a fait entendre ce cri qui m'a causé dans vos rangs une satisfaction si vive, mais que j'aurais beaucoup mieux aimé répéter encore avec vous. » C'était ainsi que la vieille monarchie s'entendait partout où elle existait. La fidélité avait ses échos. Le cri de « Vive le roi !» retentissant sur les rivages de la Loire était répété sur les bords du Rhin. Monseigneur le prince de Condé et ses fils, Monseigneur le duc de Berry, la noblesse de France, honorant dans un camp d'exilés les vaillantes communes de France, un roi proscrit à la tête de cette noblesse, faisant lui-même l'oraison funèbre d'un sujet fidèle, l'histoire offre-t-elle quelque chose de plus beau? Notre patrie obtenait alors de grandes victoires, mais elles n'effaceront point le souvenir de ces Français persécutés, proclamant dans les bois, à la face du ciel, leur souverain légitime, et célébrant les funérailles de ceux qui étaient morts pour lui. Chapitre 15. Repos momentané des émigrés et de Monseigneur le duc de Berry. Les observations de ce prince sur l'Allemagne. Des négociations continuelles, des trêves, des pays séparés donnaient aux émigrés quelques moments de repos. Les uns allaient alors errer dans les vallées des Alpes, visiter les religieux de la Val Sainte, autre espèce d'exilés sur la terre. Mais la révolution les poursuivait encore dans le désert, car tout était envahi, et la solitude manquait aux solitaires. Les autres s'enfonçaient dans l'Allemagne, accueillis dans les cabanes, repoussés dans les châteaux, chassés de la porte de ces rois dont ils défendaient les trônes. Monseigneur le duc de Berry profitait également de ces intervalles de repos pour voyager et pour consoler sa famille dispersée. Il étudiait les nations au milieu desquelles la Providence l'avait jeté. Il remarquait que les Allemands, divisés en une multitude d'États, sont tels encore qu'ils étaient du temps de Tacite, c'est-à-dire qu'ils sont moins un peuple que le fond et la base d'autres peuples. Sortis de leurs forêts, transportés sous un ciel plus propice, leur génie natif se développe. Ils deviennent des nations admirables et presque indestructibles. Les Francs, les Angles, les Visigoths, les Goths et les Lombards l'ont prouvé en France, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Mais tant que les tribus germaniques habitent leur pays natal, tout semble enseveli chez eux comme dans une mine, ou confus comme dans un chaos. Un fait singulier n'échappa point à la perspicacité du prince. Il vit, avec un intérêt mêlé de surprise, que les doctrines du siècle, introduites parmi les Allemands, avaient fait naître dans certains esprits les erreurs sociales, sans y pouvoir détruire les vérités naturelles, enracinées dans un sol fécond et sauvage. Il en était résulté un mélange bizarre de folie et de bon sens, de christianisme et de déisme, de libéralisme et de mysticité, d'enthousiasme froid et de métaphysique exaltée, de goût et de barbarie, de corruption et de rudesse. De même que les Cates, les Bructères, les Chocs adoraient dans les bois une horreur secrète, vague, indéfinie, plusieurs de leurs fils se sont mis à révérer quelque chose de fantastique et de ténébreux qu'ils ne peuvent ni peindre, ni saisir. Chapitre 16. Lettre de Monseigneur le duc de Berry à Monseigneur le prince de Condé. L'armée de Condé se retire en Pologne. Adieu du prince à cette armée. Monseigneur le duc de Berry se trouvait ainsi pour un moment absent de l'armée lorsqu'il écrivit au prince de Condé cette lettre si touchante par la tendresse et la noblesse des sentiments. « Enfin, monsieur, mon frère est arrivé hier. Vous jugerez facilement de la joie que j'ai éprouvée en le revoyant. Ma joie est d'autant plus vive que mon retour à l'armée sera très prompt. Nous ne devons rester que 5 ou 6 jours ici, et nous ne perdrons pas de temps en chemin pour revenir. Je fais bien des vœux pour qu'on ne tire pas des coups de fusil pendant mon absence, mais que cette campagne, qu'on peut bien regarder, je crois, comme la dernière, soit active. Je le désire vivement pour mon instruction et pour mon frère, car je suis persuadé qu'il faut que les Bourbons se montrent, et beaucoup, et que, hors France, ils doivent commencer par gagner l'estime des Français avec leur amour. » Cette campagne de 1797, 7 juin 1797, ne fut pas longue. L'armistice, conclu à Léoben, entre Buonaparte et le prince Charles, changea les destinées de l'armée de Condé. Elle passa au service de la Russie et se retira en Volhynie. Elle était encore forte de plus de 10 000 hommes. Monseigneur le duc de Berry en avait pris le commandement pendant l'absence de Monseigneur le prince de Condé. Avant de quitter cette brave armée pour se rendre à Bleckembourg, il lui fit part d'une lettre de satisfaction dont le roi l'avait chargé pour elle, et il mit à l'ordre du jour les adieux suivants. « Après avoir été si longtemps au milieu et à la tête de la noblesse française qui, toujours fidèle, toujours guidée par l'honneur, n'a pas cessé un instant de combattre pour le rétablissement de l'autel et du trône, il est bien affligeant pour moi de me séparer d'elle, dans le moment surtout où elle donne une nouvelle preuve d'attachement à la cause qu'elle a embrassée, en préférant abandonner ses biens et sa patrie plutôt que de jamais plier sa tête sous le joug républicain. Au milieu des peines qui m'affligent, j'éprouve une véritable consolation en voyant un souverain aussi généreux que Sa Majesté l'Empereur de Russie recueillir et recevoir le dépôt précieux de cette noblesse malheureuse, en la laissant toujours sous la conduite d'un prince que l'Europe admire, que les bons Français chérissent, et qui m'a servi de guide et de père depuis 3 ans que je combats sous ses ordres. Je vais rejoindre le roi. Je ne lui parlerai pas du zèle, de l'activité et de l'attachement dont la noblesse française a donné tant de preuves dans cette guerre. Il connaît tous ses mérites et sait les apprécier. Je me bornerai à lui marquer le vif désir que j'ai et que j'aurai toujours de rejoindre mes braves compagnons d'armes. Et je les prie d'être bien persuadés que, quelque distance qui me sépare d'eux, mon cœur leur sera éternellement attaché, et que je n'oublierai jamais les nombreux sacrifices qu'ils ont faits et les vertus héroïques dont ils ont donné tant d'exemples. Fin de la section 1.